Jeanne s'en fut alors dans la neige, jusqu'à la falaise, où elle fut sauvée in extremis par Julien et le père Simon. En présence de l'abbé Picot, Rosalie avoua à Jeanne et à ses parents sa liaison avec Julien, qui durait depuis le premier jour où celui-ci était venu au peuple. Grâce aux propos conciliants de l'abbé Picot, il fut décidé que Rosalie quitterait le château, doté d'une ferme qui permettrait à l'abbé de lui trouver plus facilement un mari. Peu après s'être lié d'amitié avec la comtesse de Fourville, venue au château des Peuples avec son mari, Jeanne mit au monde un fils.